Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans sa 57e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Merci pour tous vos gentils messages et dédicaces que vous me laissez sur la page Facebook de l'émission. Cette semaine, du bon. On commencera avec Rise de 6AM. C'est sur l'album Prayer for the Damned volume 1 qui est sorti le 26 avril 2016. On retrouve I'm Sick, Better Man et plein d'autres. On poursuivra ensuite avec Oppression de Ferguson. C'est sur l'album Ferguson, sorti le 27 mai 2015. On retrouve aussi Clara Mente, Itzaz Begira et les enfants de Marianne, entre autres. Allez faire un tour sur la page Facebook de Ferguson. Il y a un Bandcamp, il y a toutes les infos dessus. On continuera avec une nouveauté, War de Sum 41. C'est le premier single du dernier album, 13 Voices, leur 7e album, sorti le 7 octobre 2016. On retrouve aussi A Murder of Crows, Fake My Own Death et 13 Voices, entre autres. Promis d'autres morceaux de ce super album dans de prochaines émissions. Tiens, un petit reggae pour continuer. Perfect Love and Understanding d'Israel Vibration. C'est sur l'album Strength of My Life, sorti en 1988. On retrouve Cool and Calm, Payday et Live and Give, entre autres. Et on finira ce bloc avec un grand classique du rap français, Petit Bordel de la Funky Family. C'est sur l'album Art de Rue, leur 2e album sorti en 2001. On retrouve aussi Art de Rue, Mystère et Suspense, c'est entre deux feux. Un grand album classique du rap français qui tient la route. Anger. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Okay. Le morceau qui vient, c'est pour tous ceux et toutes celles qui aiment bien foutre leur petit bordel. Si je vous dis laisse-moi foutre mon petit bordel, dites-moi ouais, ouais, ouais. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Marseille. Marseille, toutes les mains en l'air. SMT. Comment s'appelle ma section? Ok. Et là, c'est le petit gars Saint-Gène. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Se couper ton gros cul ou ton petit corbet. Je vais pas tourner un docu sur Freak Rock Section. Et là, tu tapes dans le train, on prend les armes. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Se couper tes fesses, bras sous ton petit corbet. Le cerveau dans l'espace, fais toujours sur terre. Le cœur va vite et les bras se lèvent comme par panique. Laissez-moi foutre mon bordel dans ce monde qui s'écroule. Même si c'est tous les jours pareil, faut chasser, séparer ses doutes. J'ai que le cœur et les couilles, pas de morale ni de leçon. J'pense sur le fond, puis on s'épargne sur le sang. Il reste pas grand chose au compte d'Arbour. Mais ça sert à rien de crier au secours. Alors cours, enfant, et cours. Vite et court, et ça, le Dieu est grand. Faut qu'on s'éclate vraiment, et tu sais que c'est maintenant. J'ai remonté le cul du président et de sa femme. Sur le grill, il demande des items. C'est où que ça crame? Bichon, gros flic roll. Nord, sud, est, ouest, mec. Tu dors sur un tapis de rose. Paradis express, des stress. Poids sèche, angoisse, rétresse, en détresse. La haine blesse, tu une mauvaise maîtresse. Tu extrêmes, mais pas comme le fils. J'aime juste foutre le souk dans la discothèque. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Se couper ton gros cul ou ton petit corbeil. Je viens pas tourner un docu sur flic, drogue, sexe, ça et là. Une tapée dans le crâne, on prend les armes. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Se couper tes fesses grâce ou ton petit. Le cerveau dans l'espace, mais toujours sur terre. Le cœur m'habille et les bras se lèvent comme par panique. Dans mon petit bordel, y'a des gars, c'est une dame. C'est un corps de ruelle, comme le port d'Amsterdam. Faites sortir les pucelles et les âmes sensibles. Laissez vos armes aux vestiaires et vos mains bien visibles. Un accident est si vite arrivé. Dommage. On crase à force de saliver. Chômage. Je sois loué chez toi pour m'abriter. L'orage. Mais dans mon bordel, t'as pas balisé. Otage de monsieur Hannibal. Tout comme un agneau à votre service, mais aussi fou et anormal. Ce qu'on lui prépare notre service. Oui. Tomez les Lévis sous la chemise comme Zelda. Mon rap synonyme de dépenser une bise comme Zelda. Ah bébé, viens dans mon petit boxon. Ici c'est des produits dérivés de boxon. Je rêve d'une femme en audite et des robes longues. Prêt à fusiller comme de qualité à Thompson. Laisse-le foutre son petit bordel. Se couper ton gros cul ou ton petit cornet. Viens pas tourner un doublé sur Freak Rock Sex. Ça est là. Et une tape dans le crâne, on prend les armes. Laisse-moi foutre mon petit bordel. Se couper tes fesses grâce à ton petit cornet. Le cerveau dans l'espace, mais toujours sur terre. Le cœur bat vite et les bras se lèvent comme par panique. Marseille, les bras se lèvent comme par panique. Marseille, les bras se lèvent comme par panique. Marseille, les bras se lèvent comme par panique. Marseille, les bras se lèvent comme par panique. Marseille, Marseille, laisse-moi foutre mon petit bordel. Marseille, Marseille, laisse-moi foutre mon petit bordel. Marseille, Marseille, à vous de foutre votre petit bordel. Marseille, Marseille, foutez votre gros bordel. Marseille, laisse-moi foutre mon petit bordel. Merci. Marseille, fou ton gros bordel. Vous êtes toujours dans la 56e Vampire Freak sur, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc Rise de 6AM, Oppression de Ferguson, une nouveauté War de Sum 41, Perfect Love and Understanding de Israel Vibration, et Petit Bordel en live de la Funky Family. On poursuivra avec La Mort en Face de ADX. Qui est sur l'album Non Serviam qui est sorti le 10 juin 2016. On retrouve aussi L'Aube Noire, La Complainte du Déméter et Non Serviam entre autres. Le guitariste soliste est décédé dernièrement. Quel avenir pour ce grand groupe de hard rock français des années 80? La bonne question. On poursuivra avec un autre grand classique, Brompton Cocktail de Avenged Sevenfold. C'est sur l'album Avenged Sevenfold, leur quatrième album, sorti le 26 octobre 2007. On retrouve aussi Elmostasy, Afterlife et A Little Piece of Heaven. Allez, une autre nouveauté, le nouveau Green Day Revolution Radio. C'est sur l'album Revolution Radio, leur 12e album qui est sorti dernièrement, là, le 7 octobre 2016. On retrouve Bang Bang, Outlaws et To Dumb To Die. Un excellent album, promis, il y aura d'autres morceaux dans des émissions prochaines. On continuera avec Intellectual Dance de Cypress Hill. C'est un single de 1996 avec Cole Odawide, hein, et qui est très dur à trouver maintenant. Et on finira ce bloc en live avec Eagle Fly Free de Halloween. C'est sur l'album Keeper of the Seven Keys, partie 2, leur troisième album, sorti le 29 août 1988. On retrouve aussi Invitation, We Got the Right et Dr. Stein notamment. We'll be right back. choice will save me from this life. Please don't question why my sins have been forgotten. I believe I might be seen after life. Please don't question why. Damaged Tim's army cap with flat brims. self-discipline. Insubordinate menace and few convinced they fit descriptions of movie men. Experiencing heartless cinematographers having captured raw footage of this. Mysterious black kid dipped in black hooches. Ruthless shock the car swindler. Stupid used to pump Luther in your cougar. Now let the core of the futures. They wanna do it, but they wanna. Cause the intellectual gotcha buffing dumb causing trauma. They wanna do it, but they wanna. Mr. Cagney flicks, Don Bags, a Cambodian manifest, the Buddha blessed. Impressively dressed, permanent quest for success. Uninterested in materialistic games to get the sex. The 5-6, a living portrait of survival tactics. Keeping my enemies close and all my niggas at a distance. What is this? Sights of characters spreading my business. Fragments that can't manage to do damage, yo, I've had it. Environmental pressures causing static in the fabric of this Asiatic cabbage. Madness, honest, uncivilized hour. With juveniles run these avenues buck wild with crews. Now who is it? Making all you critics fiend these lyrics and be the core. Yes, y'all coming through on your premise. This is it. They wanna do it, but they wanna. That's the intellectual ganja puffin' dawns causing trauma. They wanna do it, but they wanna. That's the intellectual ganja puffin' dawns causing trauma. They wanna do it, but they wanna. That's the intellectual ganja puffin' dawns causing trauma. Performances while niggas place bits at auto auctions, remodel frames and changing rusty engines. According to my informants, fools want to shorten my life and slice the vital organs. It's not important toward this lyrical dissertation, tossing idle seeds, recitals of rifles, breaking vinyl. Finally, spotting spirals, perhaps they're spinning out wax on eyes for the blackest walls on elegant floors. Strategic operations make them insecure. Gypsy cabs are flagged on FTC, been stabbed in ass, making detours. Affiliates with my predominantly black landscape. Hops and squad, I watch the slingshot from rotten occupants by jostling, digging pockets, playing possum. I got them on the x-ray fish. Ain't nothing popping, volunteers who interfere and the fears, they disappear. They wanna do it, but they wanna. That's the intellectual ganja puffin' dawns causing trauma. They wanna do it, but they wanna. That's the intellectual ganja puffin' dawns causing trauma. They wanna do it, but they wanna. That's the intellectual ganja puffin' dawns causing trauma. They wanna do it, but they wanna. That's the intellectual ganja puffin' dawns. Oh man, that's that Call of the Wild flavor, baby. I can't take it no more, I'm out of here, baby. But before we get up out of here, I wanna give big shouts to all the food spots that made this possible. Big shouts to the 99 Cent Store, baby. The discount, health food store, y'all. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vous êtes toujours dans la 57e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire La Mort en Face de ADX, Brompton Cocktail de Avenged Sevenfold, une nouveauté Revolution Radio de Green Day, Intellectual Dance de Cypress Hill et Eagle Five Free de Halloween. On poursuivra avec une petite nouveauté, Attends que l'enfant soit couché, de le nouveau Fil Rouge. C'est un premier single d'un album en préparation. Merci à Bruno et ses condisciples, toujours un plaisir de vous diffuser. Allez faire un tour sur la page Facebook de Fil Rouge, viendez liker et surtout partagez. On poursuivra avec un grand classique, Blue Oyster Cult et Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Imaginos, sorti en 1988. On retrouve aussi Les Invisibles, Astronomie et Imaginos, entre autres. Tiens, un petit ska, Mr. Tragedy des Slakers. C'est sur le Great Rock Steady Swindle, sorti en 2010. On peut entendre aussi A Long Way Off, Don't Look Back et The Same Day, Same Every Day, entre autres. Un vieux classique du punk, les Dead Kennedys avec Kill de Porc. C'est sur un album qui s'appelle, je vais vous le dire en français, les 1978 démos. C'est un petit truc de démo de 78. On retrouve Capone Kid, California Uber Alice et The Man with Dogs. Et on finira ce bloc en live avec Enhancer et la chanson Enhancer. C'est du live à l'Elysée Montmartre. On retrouve entre autres Street Trash, Cinglé et Pas Sommeil, un autre album qui arrache le bitume. Le déstabiliser. Les hommes sont que l'enfant soit couché, qu'il est retrouvé son monde bien nommé. Laisse-le grandir dans son monde animé. Il a le temps pour voir cette réalité. Continue à le laisser rêver. Hey. Continue à le laisser penser. Hey. Avec des images répugnantes, mais qui sont la dure réalité. Tu aurais pu l'éviter pour ne pas le déstabiliser. Mais ton audience compte plus ce que sa santé. Barbares ils le sont, barbares ils le resteront. Boys are swimming now.

Vous êtes toujours dans la 57e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire « Attends que l'enfant soit couché », une nouveauté de Phil Rouge, un grand classique « Blue Oyster Cult » de Blue Oyster Cult, un petit ska avec « Mr. Tragedy » et de « Slakers ». On a poursuivi avec « Kill the Poor » des Dead Kennedys et on a fini en live avec « Enhancer ». On poursuivra cette émission avec du nouveau « No Win Situation » de Ave Road. C'est sur l'album De Case Emergencies, sorti en 2016, on retrouve Unsocial Network, Spin-Off et Waiting Here. Et là, mesdames et messieurs, une exclusivité européenne, Bang Bang de Fidel Fiasco. Ils viennent de sortir leur premier album sur le label XY Music de Montréal. C'est un album que j'ai en exclusivité. Il s'appelle Bang Bang, cet album. Allez faire un tour sur la page Facebook de Fidel Fiasco. Il y a tous les liens pour commander, télécharger ce excellent album Bang Bang. Viendez liker et surtout partager. On continuera avec Cataclysm Children de Dimmu Borgir. C'est sur l'album Death Cult Armageddon, leur sixième album sorti le 8 septembre 2003. On retrouve Allegiance, Leapers Among Us et Evenly Perverse. On poursuivra avec Exorcisme de Killing Joke, c'est sur l'album Pandemonium, sorti en 1994. On retrouve Pandemonium, Black Moon et Mother Ending of the Chaos. Et on finira ce bloc en live avec Les Vieillards et de Danakil. C'est le live au Cabaret Sauvage qui est sorti le 10 avril 2009. On retrouve Les Chants de Rose, Dialogue de Sourds et Samouraï d'Occident. Et là, ils viennent de sortir un excellent album qui s'appelle La Rue Raisonne. J'essaye de l'avoir et je vous donnerai des nouvelles très très très vite. Time to share with you. avait tous laissé quelque chose qui dure éternellement. Ma peine y pensait, l'éternité c'est long en sacrament. Joue avec mon cœur, il fera sûrement pas long. Si demain je meurs, je veux que ça sente bon. Apporte des belles fleurs au salon, puis apporte ta sœur. Je la trouve bien canon, bang bang. La vie à quoi ça rime, peut-être ici ou peut-être là. Les mains en l'air, les armes en bas. Tu l'aimes pas, c'est parce que tu danses pas. Aimes-tu l'air de ta chanson? Ben voyons donc, ben voyons donc. Cherche pas de raison, non. Tous à l'unisson. La la la la. S'installer confortablement. Mais après quelques années, on veut sacrer notre camp. Joue avec les cœurs, puis la raison. Si demain je pleure, je vais me rappeler que ça sentait bon. J'aurais peut-être dû rester à la maison avant nos trois enfants. Me semble t'étais canon, bang bang. L'amour à quoi ça rime? Si ça marche pas, c'est parce qu'on s'aime pas. Les jambes en l'air, les larmes en bas. Si tu l'aimes pas, c'est parce que tu danses pas. Tu l'air de ta chanson. Ben voyons donc, ben voyons donc. Cherche pas de raison, non. Regain strength. Bring your spirit to those who need it. Rise. And rise. bien sûr merci au cabaret sauvage, au quoi propre, X-Men Production Chai. Merci à nos bénévoles, à tous ceux qui ont bossé dur sur cette soirée. Et merci à tous vos soutiens dans la musique, la production, l'évolution du groupe. Merci à vous tous, amigos. Big up. Yeah. masquer. Une dernière fois massive, faites du bruit pour vous-même, pour vous-même, pour vous-même. À très bientôt, merci beaucoup d'Anakin Woods, Reggae Music, big up. Yeah, à très bientôt. One love. Et non, pour ce bloc-là, il n'y en aura pas une autre. Alors, on vient de se faire un excellent bloc. No Win Situation, une nouveauté d'Ivy Road. Une exclusivité européenne. Bang Bang de Fidel Fiasco. Cataclysm Children de Jimmy Borgir. Exorcisme de Killing Joke. Et on a fini en live avec le grand classique Les Vieillards de Danakil. Vous êtes toujours dans la 57e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On poursuivra cette émission avec Poltergeist, c'est un nouveau morceau, c'est une nouveauté de Psychoid, c'est sur l'album, enfin leur premier EP, Trash Test, sorti en 2016. On retrouve Anarchy, Platoon of Death, Poltergeist et Wiki Kioras. Vivement un bon album de 10 ou 12 titres. Allez, allez au turbin les gars, allez les encourager sur la page Facebook Psychoid Trash. On poursuivra avec African Race de The Abyssinian, c'est sur l'album Sata Masagana, sorti en 1993. On retrouve Declaration of Rights, Good Lord et Noja Today, entre autres. Tiens, on va un petit rock'n'roll tranquille là. Twisting by the Pool de Dire Straits, c'est sur l'Extended Play. Un EP qui est sorti le 1er janvier 1983. Dessus, il y avait Twisting by the Pool, Badges, Posters and Stickers and T-shirts. Too Young Lovers et If I Had You et pas évident à trouver maintenant. On poursuivra avec Mon Imagination de Pierre-Paul Jacques, c'est sur l'album Kingston Karma, son troisième album sorti en 1998. Ah, c'est un grand classique celui-là, l'album Kingston Karma. Je t'ai pas joué, Cultivateur Moderne, Police, un excellent album. On finira ce bloc avec Underground de Jane Addiction, c'est sur l'album The Great Escape Artist, mon album favori de Jane Addiction, qui est sorti le 18 octobre 2011. On retrouve End of the Lies, Curiosity Kills, Twisted Tales et plein d'autres. Un album que je vous recommande. We'll be right back. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Brother now. understand. The other slave descendants from the African race, the African race, the African race. The other slave descendants from the African race. We're proud, it's not a strange. We're proud of the African race. We're proud, it's not a strange. Des murs de béton, tout disparaît devant. berce doucement. Je ne suis plus avec vous. Non. Ce désespoir qui colle comme le sucre au fond d'un bol. Ma parole de damné, difficile de décoller. Je me retourne le film et je m'évade avec mon imagination. Je joue des murs de béton. Disparaît devant moi. Ma destination, c'est les forts et les plus loin de votre champ de vision. Je veux revoir l'horizon. Mon obstination, profonde comme l'est l'océan. La mer et le vent me berce doucement. Je ne suis plus avec vous. I'm On vient de s'écouter Poltergeist, une nouveauté de Psychoid, African Race de The Abyssinian, un grand classique Twisting by the Pool de Dire Straits, Mon Imagination de Pierre-Paul Jacques et Underground de Jet Addiction. Cette 57e Vampire Prix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On finira avec Citadel de Buckethead. C'est une dédicace pour mon copain Alban Damien. Il est de la ville d'Amiens, il s'appelle pas Alban Damien. Hein. L'album de Citadel de Buckethead, il s'appelle Kaleidoscalp, il est sorti en 2005. On retrouve Music Box in Hard, Pylon Shift et The Bronze Beat, excusez-moi. À la semaine prochaine, même heure, bien même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back.